Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Aujourd'hui c'est la visitation fête chrétienne, mais c'est aussi la Saint Petronie. Ça vient du grec signifiant petit caillou. Étrange et mystérieuse, leur sensibilité et leur émotivité sont tellement envahissantes qu'elles tentent à se protéger derrière un masque d'impassibilité, voire de distance, ou se replier sur elles-mêmes dans un silence glacé. Les trois nombres constituant leur prénom sont karmiques et leurs effets se font sentir sur plusieurs registres différents. Cela les fait évoluer au fil de leur existence, une tendance étant susceptible de se renverser. Ces femmes appartiennent aux idéalistes qui malheureusement n'ont pas toujours les pieds sur terre. Avec leurs aspirations élevées et des vues larges sur l'existence, bien souvent irréalisables, elles peuvent connaître des phases d'intense déception, des désillusions, voire des crises nerveuses ou de dépression. Il sera plus facile pour elles de les vivre au travers de fantasmes ou en se réfugiant dans le monde de la spiritualité, de la parapsychologie, à moins qu'elles ne se tournent vers les paradis artificiels. Leur vie intérieure est importante et un intense sentiment de solitude se fait parfois sentir, car elles ont facilement tendance à se sentir à part, marginales. Peut-être auront-elles plus tard la possibilité de vivre cela en originalité et créativité, en empruntant par exemple les voies de l'avant-garde. Dicton du jour, eh ben, y en a pas mal aujourd'hui. On commence avec celui-ci. À Sainte Petronie, il n'y a pas de haie sans chenille. Pluie de Sainte Petronie, les raisins deviennent grappis ou tombent en guenille. Quand il pleut le jour de Sainte Petronie, c'est que la Sainte mouille sa guenille. S'il pleut à la Sainte Petronie, le blé diminue jusqu'à la faucille. À la visitation, si le temps a été bon, il peut pleuvoir un temps, il n'y aura que perte de temps, parce que si le foin pourrit, le raisin se nourrit. Ou encore, le jour de la visitation, beau fait le raisin plus gros. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Et en Espagne, à Castilla Manche, c'est la fête justement de Castilla Manche. Et dans les événements qui se sont déroulés un 31 mai en 1859, pour la première fois, Big Ben donnait l'heure à Londres. En 1910, avait lieu l'indépendance de l'Union d'Afrique du Sud. En 1961, c'était la proclamation de la République d'Afrique du Sud. Et en 1975, c'était la création de l'Agence spatiale européenne. Allez, tout de suite, première pause musicale avec les Fall Out Boy et leur titre Thanks for the Memories. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. We'll Eh bien, c'était les Fall Out Boy avec leur titre Thanks for the, Memories. Je vais y arriver. Sur RGM, presque 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 31 mai 1930, naissance de Clint Eastwood, acteur, réalisateur, producteur américain. Vu dans Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, l'inspecteur Harry, l'inspecteur ne renonce jamais, L'évadé d'Alcatraz, Le retour de l'inspecteur Harry, Million Dollar Baby, Gran Torino, La Mule, réalisateur d'Un frisson dans la nuit, producteur de A Star Is Born, réalisateur et producteur du film Le retour de l'inspecteur Harry, impitoyable, récompensé par l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, Sur la route de Madison, Mystic River, César du meilleur film étranger, Million Dollar Baby, Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur et César du meilleur film étranger, Mémoire de nos pères, L'échange, Gran Torino, César du meilleur film étranger, Sully ou encore La Mule, et vu dans la série télé Maverick. 1943, naissance de Sharon Gless, actrice américaine, connue pour son rôle de Christine Cagney dans la série télé Cagney et Lacey, vue également dans Burn Notice ou encore Nip Tuck dans le rôle de Colin Rose. 1949, naissance de Tom Berenger, acteur américain, vu dans Platoon dans le rôle du sergent Bob Barnes, né un 4 juillet, Inception, la série télé 13, Hawaii 5-0 ou encore Major Crimes dans le rôle de Maître Jackson Redor. 1950, naissance de Gregory Harrison, acteur américain, vu dans la série télé La Vie avant tout dans le rôle du docteur Randolph Kilner, Les Frères Scott dans le rôle de Paul Norris, Les Experts Manhattan, Buddy of Proof ou encore Castle. 1953, naissance de François Rollin, humoriste français. 1960, naissance de Chris Elliott, acteur américain, vu dans Le Sixième Sens dans le rôle de Zeller, Marie à tout prix dans le rôle de Dom Voganovski, La Famille Folding, Scary Movie 2, la série télé How I Met Your Mother dans le rôle de Mickey Aldrin, le père de Lily. 1961, naissance de Léa Thompson, actrice américaine, vue dans Retour vers le futur 1, 2 et 3, dans la série télé Ed dans le rôle de Liz Stevens, Les Experts ou encore Scorpion dans le rôle de Véronica Dinen. 1967, naissance de Sandrine Bonnaire, actrice française, vue dans À nos amours dans le rôle de Suzanne, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, Tir à vue, Santoine Éloi dans le rôle de Mona, César de la meilleure actrice, Jeanne Lapucelle où elle a incarné Jeanne d'Arc ou encore Salon on t'aime. 1976, naissance de Colin Farrell, acteur irlandais, vu dans Minority Report dans le rôle de Danny Whitwer, Fun Game dans le rôle de Stu Shepard, SWAT Unité d'élite dans le rôle de Jim Street, La Recrue dans le rôle de James Clayton, Daredevil, le film Miami Vice, Deux flics à Miami dans le rôle de James Crockett alias Sonny, Comment tuer son boss, Total Recall, Mémoire programmée, Les Animaux Fantastiques dans le rôle de Percival Graves et actuellement au cinéma dans le film Dumbo dans le rôle de Holt Farrier. 1980, naissance d'Andy Hurley, musicien américain, batteur du groupe Fall Out Boy, et 1996, naissance de Normani Corday, chanteuse américaine du groupe Fifth Harmony, et bien qu'on écoute tout de suite avec leur titre Work From Home. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it into motion, I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. Work. You don't gotta go to work. And my body do the work. We can work tomorrow. We can work tomorrow. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I pipe up, she take that. Putting overtime on your body. You ain't gotta go to work. No. Work. But you gotta go to work. You don't gotta go to work. And my body do work. Le groupe Fifth Harmony sur le 107 FM. Presque 8h44, on file faire un point météo. La météo. Alors ce matin, c'est pas mal nuageux, mais ceux-ci vont se dissiper pour nous laisser tranquilles et profiter du soleil. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 22 et 24 degrés pour cet après-midi. Et le soleil ne va pas nous quitter du week-end, ça va être un week-end estival avec pour samedi des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 27 et jusqu'à 29 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et que s'est-il passé depuis mercredi ? Eh bien, en football a eu lieu la finale de la Ligue Europa qui a été remportée par Chelsea 4 buts à 1 face à Arsenal. Côté buteur Chelsea, on a notamment un but d'Olivier Giroud et qui a donc inscrit 11 buts en Ligue Europa cette saison. Ça fait de lui le meilleur buteur français dans l'histoire des Coupes d'Europe. Rien que ça. Et grâce à la victoire de Chelsea, eh bien, l'Olympique lyonnais qualifié hein, pour les phases de la Ligue des Champions. Un mot de football féminin avec un match amical ce soir France-Chine, et à noter que Le Sommer et Magerie sont forfaits pour cette rencontre. Ce soir toujours Mondial U20, la France affronte le Mali. Samedi a lieu la finale de la Ligue des Champions qui oppose Tottenham à Liverpool, et dimanche match amical pour l'équipe de France masculine, cette fois-ci la France affronte la Bolivie. À noter qu'hier Matuidi s'est entraîné à part hein, et il souffre d'une douleur à la cuisse, alors espérons que ce ne soit rien de grave pour le joueur français. Un mot de basket maintenant avec la Pro B tout d'abord et le quart de finale aller et la victoire de Nancy 73 à 70 face à Saint-Chamond. Match retour samedi soir hein, donc Saint-Chamond-Nancy. Et à noter qu'en NBA, le premier match de la finale a été remporté par Toronto 118 à 109 face aux Golden State Warriors. Un mot de cyclisme avec le Giro et à noter mercredi la victoire du français Nance Peters. Hier, victoire de Sima. Le premier français, c'est Sénéchal qui s'est classé 4e. 8e, Arnaud Démare. Et on fait un point complet à Roland-Garros avec ce qui s'est passé depuis mercredi. Alors, mercredi, côté féminin, on a eu les éliminations de Bertens, de Mladenovic et de la toute jeune Paris. Côté messieurs, l'élimination de Tsonga en 4-7 face à Nishikori. Le match de folie entre Benoît Paire et Pierre Hugerbert. Le plus beau match jusqu'à présent sur ce tournoi de Roland-Garros qui a vu la victoire de Benoît Paire donc en 5-7. L'élimination de Cilic par Dimitrov et l'élimination de Richard Gasquet en 4-7 face à Londero. La qualification de Nicolas Mahut qui continue son très beau parcours à Roland-Garros qui s'est imposé en 3-7 face à Kohlschreiber. Et la belle performance également de Moutet qui s'est qualifié en 4-7 face à Peya. Hier, Djokovic tranquille. Alexander Zverev s'est rassuré. Gaël Monfils n'a fait qu'une bouchée de son compatriote Adrian Manarino. Monfils s'est qualifié en 3-7. A noter les éliminations des autres Français. Hein. Gilles Simon en 3-7 face à Caruso. De Barrère en 4-7 face à Kachanov. Et de Benchetrit en 3-7 face à Lajovic. Côté féminin, l'élimination de Caroline Garcia en 3-7 par la 117e mondiale. Il n'y a plus de Françaises à Roland-Garros. Déjà, pas de française au troisième tour, c'est une première depuis 33 ans. Ça devient vraiment compliqué hein, pour les Françaises à Roland-Garros hein, depuis quelques années, même si là elles sont en finale hein, de la Fed Cup. Mais bon, c'est pas tout que de jouer en Fed Cup. Hein, voilà, Roland-Garros, il n'y a plus de Françaises. Mais bon, on va se consoler quand même avec les messieurs. On en a encore quelques-uns. On en parle dans quelques instants. Hier, Osaka s'est encore fait peur, mais tout de même qualifié en 3-7. Alep a dû également batailler en 3-7 pour se qualifier et a noté l'élimination de Sabalenka. On va parler du programme d'aujourd'hui. Pas de française, hein, puisque je viens de vous le dire, il n'y en a plus. Mais des têtes de série tout de même. Allez, Pliskova face à Martic, Svitolina opposée à Muguruza, Sevastova à Mertens, Stevens à Hercog, Suarez Navarro à Vondrousova, Konta à Kuzmova, Bencic face à Vekic, et on aura les fins de match de Keys face à Horn et de Tsurenko face à Krunic. Et à noter, côté féminin, hier, on a appris que Safarova prenait sa retraite. Allez, côté messieurs, aujourd'hui, il y a la fin du match de Lucas Pouille et de Martin Clizane. Lucas Pouille qui est en mauvaise passe. Il y aura également Benoît Paire face à Carreño Busta, Nicolas Mahut face à Meyer et Moutet face à Londero. Il y aura également Nadal face à Gauffin, Tsitsipas opposé à Krajinovic, Federer à Rude, Wawrinka à Dimitrov, Nishikori à Djere. Et à noter qu'en double, messieurs, Nicolas Mahut a de nouveau éliminé Cecchinato. Et oui, Nicolas Mahut qui joue cette année en double avec Melzer a éliminé hier la paire Cecchinato-Seppi. Voilà pour l'actu sportive et Nicolas Mahut qui va peut-être devenir la bête noire de l'italien. Allez, tout de suite, dernière pause musicale avec M. Pokora et le titre Les Planètes. Seul dans mon monde, 4h du mat, loin des phares, 207 chambres d'hôtel, je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, des planètes tournent tout autour. Pardonne-moi. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?